Est alors à même de restituer une parfaite lecture de votre compas. Ce nettoyant débarrasse la lentille laser de votre CD les particules contaminatrices qui s'y sont déposées. Thank you.